Radiomatic. Rwyddwn I dal yn agnaid at goffais fy hun. Cynbellid fy mod I dal yn symud ymlaen. Hyn yn oedd os oedd yn cerdded. Hyn yn oed os oedd rhaid I ni stopio bob 5 munud. Mi oeddwn I dal yn y ras. A byddwn dal yn cyrraedd pen y mynydd. Waith pa mor hir y cymerodd. Amorcer la transmission 395 d'Audiomatique, les sonoristes ont choisi de vous présenter la musique du projet français Quinquis, mené par Émilie Quinquis, qui est d'origine bretonne et qui était également derrière le projet Tiny Feet. De son premier album en tant que Quinquis, intitulé Same, et lancé le 20 mai dernier, elle nous présentait la chanson Netraken, qui signifie en breton « rien de plus, rien d'autre ». On peut entendre sur cette pièce Emily Chapel. D'ailleurs, sur son album Same, en plus d'Emily Chapel, Quinquis collabore avec Gareth Jones, Olavur Jacobson et Jan Tiersen. C'est sans discourir davantage qu'Audiomatic se poursuit avec une pièce de Nine Inch Nails.

C'était l'artiste américaine Chelsea Wolfe et sa pièce After the Fall, pièce qui apparaît sur son album Abyss, sorti en 2015. Et avant cela, nous écoutions une pièce instrumentale de la formation Nine Inch Nails, à savoir The Mark Has Been Made, se retrouvant sur l'album double de Fragile. À Audiomatic, nous poursuivons cette fois avec l'artiste allemand Nils Fromm. Thank you. Il s'agissait à Audiomatic du trompettiste norvégien Nils Peter Molvær et sa composition Cruel Altitude de son album Amada, lancé en 2009. Tout juste avant, nous avions droit à l'artiste allemand Nils Fromm. Il nous présentait sa composition All Armed, extraite du mini-album Anchors 3, et qui se retrouve également sur l'album All Anchors, qui regroupe bien sûr les mini-albums Anchors 1, 2 et 3. Et Audiomatic se poursuit maintenant sur la musique du groupe Can. You're losing, you're losing, you're losing your vitamin C. Audiomatique, nous venons tout juste d'écouter la formation argentine Soda Stereo et la pièce intitulée Nuestra Fe se retrouvant sur l'album Dynamo sorti en 1992. Auparavant, c'était le groupe Moon Duo de qui nous entendions la pièce Cold Fear tirée de l'album Occult Architecture Volume 1 paru en 2017. Et pour amorcer la séquence, nous écoutions la musique de la formation Cannes grâce à sa composition Vitamin C apparaissant sur l'album Ege Bamiyasa paru en 1972. En conclusion de cette transmission 395 d'Audiomatique, nous avons décidé de vous offrir la musique du groupe américain Pixies, tirée du 12 pouces pour la chanson Veloria. Nous entendrons la pièce « I've been waiting for you » qui a été originalement composée et interprétée par Neil Young sur son premier album homonyme lancé en 1969. C'est grâce à toute l'énergie englobante de la musique que les sonoristes traverseront les prochains jours afin d'arriver à la transmission 396 d'Audiomatique qui sera animée en direct du studio de C'est fou 89.1 FM mercredi prochain dès 17h. Avant d'être déposé pour l'écoute en différé sur nos profils facebook.com/audiomatique-cfou et mixcloud.com/audiomatique. Voici donc le groupe Pixies et leur reprise de la chanson I've Been Waiting For You de Neil Young. C'était Audiomatique avec les sonoristes. Long time now.